Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Studs Terkel. Adaptation Méboada et Benoît Giros. Épisode 2. Vous avez rencontré beaucoup de résistance. Choisir son camp. Dans les années 30, quand c'était vraiment dur et que personne ne travaillait, on partageait entre nous tout ce qu'on avait. Je veux pas dire que ça nous faisait plaisir de leur faire ça, parce que s'ils étaient pauvres, c'était eux qu'il fallait le plus aider. Ça a vraiment été dur. Mais on essayait de s'en sortir avec le sourire. On voulait pas être des charognards, on essayait d'aider. Maintenant, quand vous n'avez rien, personne ne pense à vous. Ils préfèrent jeter à la poubelle. Certains pensent qu'ils valent mieux que vous. 1969. Micro et magnétophone entre eux et moi, j'interroge des citoyens américains sur 1929 et la grande décennie noire de la Grande Dépression. Les souvenirs nous ramènent de très nombreuses années en arrière. Ils parlent de cette cicatrice invisible laissée par le tremblement de terre de ces années-là. La Grande Dépression n'a pas été la même pour tous. Tout est question de point de vue. They would arrest us and take us in. But then when they waked up to the fact that we were fighting for a good cause. On allait au bureau d'aide sociale, on se faisait arrêter 2-3 fois par jour. On se battait pour une vieille femme qui venait de mourir. Et l'aide sociale ne voulait pas donner $100 à la famille pour les funérailles. Il ne voulait jamais rien donner de toute façon. Willie Jeffries est une petite bonne femme. Le noir de sa peau est accentué par la blancheur éclatante de ses cheveux. Elle est assise dans sa cuisine. Dans la pièce adjacente, sur un lit impeccablement fait, un petit garçon dort, roulé en boule. C'est le fils des voisins. On a réuni 50 personnes. Et on est allé au bureau d'aide sociale. On voulait rester jusqu'à ce qu'ils donnent les $100 pour la vieille. Finalement, on les a obtenus. Mais il a fallu attendre 2-3 jours avant de pouvoir attraper ce type, le responsable. Vous savez, la police voulait nous arrêter. Mais quand ils ont su qu'on se battait pour une bonne cause, ils nous ont laissés tranquilles. Tous les jours, on y allait avec des camions et on prenait même la nourriture sur la table. Le mari sortait en courant de la maison, on mettait la nourriture par terre, on emmenait les tables et les chaises. Harry Hartman déborde de son fauteuil pivotant, lourd, un peu asthmatique. Il est à un an ou deux de la retraite. Il travaille comme huissier depuis 33 ans et demi. Il a commencé en 31. Pendant la dépression. Mais s'ils étaient vraiment dans le pétrin, on s'arrangeait, vous comprenez, pour laisser 2 ou 3 trucs, quelque chose, pour qu'il n'ait pas rien. Mais c'était dur pour beaucoup de gens. Dans la maison, je suis le seul à avoir travaillé à l'époque. Les autres sont devenus des pointures. Moi, je travaille encore. Il y avait quand même des compensations. Ça se résume à avoir eu une place au premier rang du théâtre de la vie. En tant qu'huissier au tribunal, Harry avait été chargé de surveiller un jeune de 16 ans qui avait tué 4 personnes en un week-end. Pendant le procès, il m'a parié un paquet de cigarettes qui irait sur la chaise électrique. Et moi, je lui ai parié un paquet qui n'irait pas. Et quand le jury est revenu et l'a déclaré coupable, il s'est tourné vers moi, nonchalant, et m'a dit « Ok, donne-moi ce paquet. » Je lui ai donné. Et des photos ont été prises. Le tueur parie un paquet de cigarettes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en ont fait des tonnes là-dessus. Une fois, on est allé dans une maison où il y avait 3 enfants. La table faisait partie de l'inventaire de l'entreprise de vente de mobilier. Ça et les lits et d'autres trucs. Et ce qu'on a trouvé drôle, c'est que ces gens avaient déjà presque tout payé. Et qu'ils étaient allés dans cette boîte de vente de meubles, et là, ils avaient acheté encore d'autres choses. Mais au lieu de faire une facture séparée, le vendeur leur a dit « Prenez ce que vous voulez, on le mettra sur la première facture. » Et quand ils n'ont plus été capables de payer les nouveaux articles qu'ils avaient achetés, quand la dépression a frappé, on leur a tout repris. Mais nous, on s'arrangeait pour laisser des trucs. Sur l'inventaire, on oubliait les lits et deux, trois autres trucs. Quand la facture originale était de $500 et qu'ils avaient payé 350, on se disait qu'on pouvait laisser pour ce prix-là un lit ou une table. Ou on disait que le matelas était plein de cafards. On n'y touchait pas. On notait juste lit manquant. Il y avait des côtés humains. Quand on voulait vraiment aider quelqu'un, on trouvait un moyen. Si c'était plus facile pour eux, c'était plus facile aussi pour nous. Dans la plupart des cas, les gens étaient avertis que s'ils ne pouvaient pas payer, ça ne se passerait pas comme ça. Ils étaient fauchés et ils essayaient de tenir le plus longtemps possible. Mais quand le jour arrivait, le plus souvent, ils laissaient tout tomber. Ce qui était le plus dur, c'est quand le gars vous suppliait de pouvoir garder ses outils, vous comprenez, qu'il puisse faire son travail à la maison. Quand on prenait l'inventaire, si on lui laissait prendre ses outils, il se foutait du reste, parce qu'il savait qu'il aurait encore de quoi manger. Dans beaucoup de cas, il fallait faire marcher sa tête. Il s'agissait de se comporter comme un mensch. D'un certain côté, on était récompensé. Quand on traitait bien un gars, il appréciait. Et à long terme, on se débrouillait mieux que ceux qui utilisaient la force. Vous comprenez? Des fois, on a fait des trucs bien. Sofas and divans cut up, you know what I mean, by a person in a rage, you know what I mean, when they paid so much for it. Ils ont mis vos meubles sur le trottoir? Oui! And these things, the company gave them a hard time. Quand mon mari est mort, ma fille n'avait pas encore 2 ans. Il est mort le 3 septembre à son travail et elle a eu 2 ans le 8 novembre. J'avais cette petite fille et je croyais que tout le monde était sur mon dos parce que mon mari était mort. J'étais vraiment méchante, très méchante. Alors, j'ai déménagé dans un immeuble agréé par l'aide sociale. La salle de bain et les toilettes étaient dans le hall. Parfois, l'eau coulait dans les escaliers. Personne ne pouvait vivre là. Je m'y suis installée pour avoir une raison de me battre. Et je me suis battue. J'ai commencé à organiser les gens qui vivaient là. Le proprio vivait à Beverly Hills, naturellement. Il s'en est pris à moi. Mamselle Jeffries. Il m'a offert $500 pour que j'arrête d'organiser l'immeuble. J'ai dit, écoute, ces gens que j'organise, c'est mes frères et je ne vais pas les trahir. Ton argent, c'est de la fausse monnaie. Alors là, Wilkins, le propriétaire, s'est trouvé un paquet d'agents de police. C'était des détectives en civil. Des gars de la 48e rue. Wilkins avait une liste de toutes les veuves qui vivaient dans l'immeuble. Il a donné leur nom aux agents de police et vers 11h30, ou midi, ils sont venus et ont frappé aux portes pour voir si elles ne cachaient pas chez elles un homme. Vous voyez? Et quand ils trouvaient un homme, ils arrêtaient l'aide. Alors cette nuit-là, quand la police est venue frapper à ma porte, j'ai dit « Qui est là ?» Moi et un gars qui s'appelait Édouard Gray, on jouait aux cartes. On avait bu un verre, on avait une bouteille d'alcool sur la table, mais elle n'était pas ouverte. Hein? Ils ont frappé à nouveau. Le type a dit « Police, ouvrez la porte !» J'avais un balai, j'ai dit « Entrez !» Vous avez votre foutue clé? Et cette fois, il s'est mis à donner des coups sur la porte. Je l'ai ouverte en grand. Il s'est rué sur moi. Je l'ai frappé. À ce moment-là, il a appelé la patrouille. Il a dit, il y a une femme qui se bagarre ici et je ne m'en sors pas. J'étais forte. Je n'étais pas maigre comme maintenant. Alors la patrouille est arrivée. Et puis après, le panier à salade. Ils nous ont embarqué. Et pendant qu'on attendait le procès, le flic a compris que les faits étaient contre lui parce qu'il était entré de force. Il n'avait rien à faire chez moi. Il voulait que Gray et moi, on paye $1 d'amende et qu'on plaide coupable. Je lui ai répondu, écoute, j'étais une femme libre quand je suis arrivée ici. Et quand je sortirai, je serai encore libre. Je ne voulais pas de casier. Ils nous ont appelés pour comparaître. Wilkins avait rameuté une cinquantaine de personnes pour témoigner contre nous. Ils étaient tous assis au fond du tribunal. On est entrés et le juge a dit « Affaire classée ». Wilkins et sa femme étaient encore en train de s'avancer et nous, nous étions déjà en train de repartir. Ils n'ont rien compris. Wilkins m'a dit « Mlle Jeffries, puis-je vous ramener dans le Southside ?» J'ai dit « Non merci, il y a le tram. C'est comme ça que je suis venue, c'est comme ça que je rentre. » Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez, Monsieur Hartmann ? Au début, ça nous causait du souci. Mais après, on se rendait compte qu'on pouvait faire du bien et parfois soulager quelqu'un. Mais en même temps, c'était très lucratif pour nous, alors on s'y faisait. On se disait que ce n'était qu'un boulot, il n'y avait rien de mal à ça. J'ai vu des gars craquer. Il y en avait d'autres dont on pensait qu'ils craqueraient et ils restaient droits dans leurs bottes, ils ne posaient pas de problème. Même s'ils bouillaient à l'intérieur. Il y avait des sociétés dégueulasses qui voulaient tout dévaster. Quand on avait un mandat pour elles, on n'en voulait pas. Mais on était obligés. Certaines étaient vraiment dégueulasses. Et il y en avait d'autres avec qui c'était un plaisir de travailler. Au final, on voyait tout ça et on en riait. On le prenait avec du recul. Si vous savez faire ça, vous pouvez évacuer la pression. Ça permet de prendre les choses en douceur, et ça va tout seul. Et quand les gars étaient devant la maison, les gens ne protestaient pas ? Ils étaient abattus. Quand vous arriviez, ils se disaient qu'ils étaient des ratés pour leurs femmes et leurs gosses. On essayait de faire ça aussi gentiment qu'on pouvait. Les pauvres le prenaient plus facilement et comprenaient mieux que les gens des classes moyennes ou supérieures. Quand je rentrais dans une maison où ils avaient des meubles de chez Smith, ils avaient honte, parce que ce genre de truc ne leur était jamais arrivé. C'était ceux qui étaient le plus choqués, ils n'avaient jamais connu ça avant. Ils avaient par exemple un meuble en marqueterie et ils se rendaient compte que s'ils avaient pu le vendre avant, ils auraient payé ce qu'ils devaient, ce pourquoi on les faisait saisir. Il y avait des hommes qui sortaient de chez eux en pleurs, et c'était la femme qui prenait les choses en main. Les gars accusaient le coup. Les pauvres, pour la plupart, ils se faisaient une raison. Ils savaient qu'on allait les saisir. Ils savaient qui ils avaient en face d'eux. Et ils savaient que c'était juste une question de temps, vous voyez, avant qu'on vienne les saisir. On avait moins de problèmes avec les pauvres. Je veux pas dire que ça nous faisait plaisir de leur faire ça, parce que s'ils étaient pauvres, c'était eux qu'il fallait le plus aider. Ça a vraiment été dur. Mais on essayait de s'en sortir avec le sourire. On ne voulait pas être des charognards, on essayait d'aider. C'était tout de même une époque intéressante. Vous avez rencontré beaucoup de résistance ? Non. Je dirais une fois sur 100. Parfois, vous entriez dans une pièce et quelqu'un soudain prenait un couteau et vous attaquait. Ça pouvait arriver. Mais le plus souvent, ils se mettaient à pleurer, vous comprenez ? Et quand ils commençaient à pleurer, c'est qu'ils étaient à bout. La plupart, étonnamment, ils acceptaient leur sort. Mais ce qu'on faisait à l'époque, je pense pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui, vu comment les gens considèrent la loi, et vu comment ils agissent et ce qu'ils pensent, vous voyez ce que je veux dire ? Ils n'accepteraient plus ça aujourd'hui comme à l'époque. Ce qu'on faisait, c'était différent. Les gens respectaient la loi et respectaient les tribunaux. Il ne voulait pas changer les lois pour se faire plaisir. Qu'est-ce que je raconte ? Aujourd'hui, un gars en plein tribunal, s'il n'aime pas ce que dit le juge, il le traite de fils de pute, vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pourriez plus rentrer comme ça dans une maison. Les citoyens ne sont plus respectueux de la loi comme dans les années 30. Aujourd'hui, on aurait de gros problèmes. Si on procédait à des expulsions, qu'on les jetait à la rue, ils réoccuperaient tout de suite les lieux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Aujourd'hui, c'est différent, les gens sont différents. Avant, quand vous portiez un insigne, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, si vous portez un insigne, vous avez plutôt intérêt à faire gaffe, parce que quelqu'un pourrait bien essayer de vous choper pour voir si vous êtes à la hauteur. Et on se fait vieux, pas le contraire. Les expulsions, c'est plus dur aujourd'hui qu'à l'époque. Aujourd'hui, si vous expulsez quelqu'un, non seulement il faut expulser les gens, mais il faut expulser 7 ou 8 associations qui veulent que le gars reste chez lui. Et chacun vient avec son article de loi et explique pourquoi le gars peut rester sans payer son loyer. Je ne suis pas du côté des proprios. Certains saignent leurs locataires à blanc, je le sais. Alors les associations ont peut-être raison. Mais pour ce qui est du respect de la loi, c'est autre chose. Et puis je suis allée à Washington et je suis revenue. Il pleuvait. Quand je suis arrivée chez moi ce matin-là, vers 8 heures, tout le mur était humide. Il n'y avait pas de gouttière. Je l'ai envoyé chercher, Wilkins. Il est arrivé, j'ai dit, « Vous voyez ça ? Vous croyez que je peux dormir ici cette nuit ? Il faut mettre une gouttière. » Il m'a dit, « Venez. » Il me les a montrées par terre, dans le jardin. J'ai dit, « Ces gouttières sont là depuis au moins 3 semaines. Elles n'ont rien à y faire. » J'ai dit, « Écoutez, je ne paierai pas de loyer tant que ces gouttières ne sont pas à leur place. » Elles y étaient dès le lendemain. Et je lui ai parlé de la peinture. Il m'a fait des promesses. Il avait un cousin qui faisait les peintures. Il me l'a envoyé avec de la peinture à l'eau, je l'ai renvoyé. Vous ne pouvez pas mettre ça sur mes murs. Finalement, il est revenu avec la bonne peinture. Il m'a bien peint mes 2 petites pièces. Ce soir-là, tout le monde dans l'immeuble voulait voir mon appartement. Il était tellement joli. J'ai dit, écoutez, je vais bloquer les loyers de tout l'étage. J'ai dit, personne ne paiera de loyer tant que tout le monde n'aura pas la même chose que moi. Très bien, j'ai pris le loyer de tout le monde, tout le second étage, et je l'ai gardé. J'ai dit, vous paierez votre loyer quand vous aurez la même déco que moi. Eh bien, tout ce que les gens avaient demandé, ils l'ont obtenu. Sans quoi, on ne payait pas le loyer. Alors, ils se sont arrangés pour m'expulser. Je me suis laissé expulser. J'ai laissé les huissiers venir et me mettre dehors. Ils ont mis vos meubles sur le trottoir ? Oui ! Je les ai laissés venir. Je les ai laissés faire ça. Mais on avait un comité, vous voyez. Tout était arrangé. On est resté là 1 semaine entière pour exciter le voisinage, pour qu'ils voient ce qui se passait. Un sitting à l'ancienne. Ouais, exactement. C'était un combat. Mais on s'est amusé, hein, vraiment amusé. Je ne leur laissais pas croire que j'étais impuissante. Ça, non. J'avais un très bon ami qui vivait dans le même immeuble. Chaque matin, quand j'étais fatiguée de faire mon sitting, j'allais chez lui et je dormais. Il pleuvait, mais les gars avaient des bâches. Rien n'a été abîmé. On cuisinait. On avait plus à manger que quand je vivais chez moi. Ils ont expulsé plein de gens. Ils passaient un coup de fil. Les huissiers arrivaient, ils les mettaient dehors. Et dès qu'ils étaient partis, on les relogeait chez eux. Écoute, à tel ou tel endroit, il y a une famille à la rue. Tous ceux qui passaient dans le coin, qui étaient membres de l'Alliance des travailleurs, appelaient quelqu'un d'autre. Et quand un gars arrivait, il y en avait 50 avec lui. Alors le proprio déconnectait la cuisinière, enlevait un morceau de tuyauterie, ou il coupait le jus. Mais dans l'association, il y avait des gars qui s'y connaissaient en électricité. On arrivait au milieu de la foule, il y avait tous ces beaux meubles dans la rue, et parfois il neigeait. On cherchait à qui c'était. Si on remet tout ça chez vous, vous resterez? Oui. Bon, alors on y va. On remettait tout là-haut. Les gars rebranchaient l'électricité, remettaient un bout de tuyau, reconnectaient la cuisinière. On remettait les meubles là où ils étaient, comme s'il n'y avait jamais eu d'expulsion. Willy Jeffries fait plusieurs immeubles dans le quartier. Elle a régulièrement des ennuis, mais s'en sort. Elle se souvient précisément de toutes ses anciennes adresses. Durant la campagne de 1936, elle fait voter tout son immeuble pour Roosevelt. Le propriétaire est républicain. Il voulait me jeter dehors parce qu'à cause de moi, son immeuble votait démocrate. Je lui ai dit, vous devriez être dans le même bateau que nous. Personne n'avait d'argent. Et on a créé l'association, on demandait aux gens 10 cents par mois. On donnait des soirées pour lever des fonds pour pouvoir continuer le travail. En majorité, quand la guerre est arrivée, les gens ont eu à nouveau un peu d'argent. Mais on ne pouvait plus rien leur demander. Ils n'avaient plus besoin de nous. Dans les années 30, quand c'était vraiment dur et que personne ne travaillait, on partageait entre nous tout ce qu'on avait. Je vivais de l'aide sociale et avec ce petit plus, je pouvais payer mon loyer. On nous donnait un peu de nourriture, vous vous rappelez? Il fallait aller au bureau d'aide pour avoir un peu de viande, des haricots, du pain, des trucs comme ça. On le partageait entre amis. Maintenant, quand vous n'avez rien, personne ne pense à vous. Ils préfèrent jeter à la poubelle. Certains pensent qu'ils valent mieux que vous. Certains disent, je leur donnerai jamais rien. Ils sont aussi vieux que le siècle. L'un d'entre eux m'a dit qu'il n'y avait pas plus conservateur que les fermiers attachés à leurs terres. Mais ils ont senti que là, cette fois-là, quelque chose coinçait et ils ont désobéi. Dans cette queue, on n'était que 5 nègres. Tout le reste était blanc. On restait là toute la journée et on attendait. Et on n'avait rien, ou alors de la viande pourrie. Prochain épisode avec Emma Tiller qui s'est retrouvée toute seule à Wichita Falls au Texas au milieu des années 30 et Oscar Eline qui a vécu pendant toute sa vie dans l'Iowa sur la ferme que son père cultivait. Il y en a toujours qui réussissent à faire de l'argent sur le dos des pauvres. C'était une lutte entre les possédants et les autres. 1929, Hard Times. Histoire orale de la Grande Dépression de Stubb Sterko. Adaptation Mebo Ada et Benoît Giros. Avec Jackie Berroyer, Stubb Sterko, Mimi Barthélémy, Willy Jeffries, Georges Kless, Harry Hartman. Et les voix de Félicité Voici, Fernand Guillot et Chloé Becker. Bruitage, Sophie Bissantz. Équipe de réalisation, Catherine Déreté, Jean-Benoît Tétu, Annabelle Brouard, Marguerite Cato. Hard Times est publié aux éditions Amsterdam dans une traduction de Christophe Jacquet. That's all I've got to say, sir. My letter now I end. Sincerely I remain, sir. Respectfully, your friend.